Ce matin, on vous emmenait en balade insolite au cœur de Bruxelles et on va continuer. Oui, on retrouve l'agent 32 et Valérie Wackenheim au cœur du quartier des Marolles cette fois. Après avoir traversé la place du jeu de balle où se trouvent les échoppes des brocanteurs et les rues toutes proches aux boutiques insolites, eh bien, on les retrouve devant la façade d'un ancien cinéma style Beaux-Arts. Alors, lorsque vous vous baladez à la rue Haute où nous trouvons actuellement, il ne faut pas hésiter parfois à lever les yeux. Et on a un exemple criant ici au numéro 207, puisqu'on a un bâtiment qui a été massacré au niveau de ses rez-de-chaussée par des grandes vitrines commerciales qui n'ont plus rien à voir avec les étages supérieurs, qui est en fait un bâtiment tout à fait pur style Beaux-Arts. Vous avez des superbes moulures en pierre bleue, des vases cannelés avec des motifs floraux. Regardez cette beauté dans la sculpture des châssis et des médaillons qui contenaient autant de vitraux colorés. Alors il faut imaginer ce cinéma qui fonctionnait avec les chandelles qui brillaient à travers ces vitraux et qui devaient transformer véritablement cette façade en sapin de Noël. Et une petite anecdote que j'adore. Bon, évidemment, on est dans les Marolles, les gens ne savaient pas toujours lire. Or, le cinéma, comme vous le savez, au début du siècle, était sous-titré. Et donc, il n'était pas rare que contre un pot de bière, eh bien, quelqu'un qui était instruit était invité par d'autres qui ne l'étaient pas à siéger au milieu de l'assemblée et faisait la lecture, tout simplement, des sous-titres à l'attention de toute la pièce. Le tout dans les fumées des cigarettes et l'entrechoc des pots de bière, bien entendu. Voilà, une ambiance que vous ne connaissiez pas visiblement, Jean-Marie. Absolument pas, non. Et si ça vous tente, rendez-vous sur le site www.lesrondesdelagent32enunmot.be.